Eh bien, bonjour tout le monde. Bonjour Lucie. Bonjour Mathis. On se retrouve à deux aujourd'hui. Lola n'avait pu être présente. Elle est malade. On lui souhaite d'aller mieux. J'espère, hein, parce que bon, 42 fièvres, c'est pas super. C'est pas super du tout. Surtout que bon, après, il fait pas non plus beau, mais il y a un peu de soleil aujourd'hui. Ouais, c'est un peu bizarre sur le temps d'aujourd'hui. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour notre émission avec vous. Nous sommes présents de 16h jusqu'à 18h. C'est exact. Et comme d'habitude, nous avons trouvé nos deux chroniques. Aujourd'hui, nous avons la première chronique de Lucie. À 16h30, il y aura ma chronique sur le top 3 qui sera sur un groupe de chanteurs ou un artiste. Je vous prépare ça en surprise. C'est préparé, mais je vous annoncerai ça tout à l'heure. Et la première chronique de Lucie qui est sur... Les films en tendance, enfin, ceux qui sont à voir. Les films et séries. Films et séries, exact. Donc, elle va nous dire les nouveautés, les films d'actualité. Donc, on attend ça et ça sera à 17h30. Et voilà. Et aujourd'hui, il n'y a pas Lola, donc pas d'horoscope. Donc, on continue en musique, on commence en musique plutôt, avec Alema. Oh, encontrei alguém que me faz vibrar. Encontrei no luar quem me deixa assim a sonhar. Ele é o meu caso, quem me põe a suspirar. Quem encontrei um dia. Ele é assim, ele faz acontecer magia. Eu quero beijá-lo. Et ce week-end, c'était le week-end de Pâques. Alors Lucie, tu as eu du chocolat ? Ah bah là, j'en ai eu plein. Moi aussi, j'ai presque tout mangé déjà, la moitié. Déjà ? La moitié. Oh, mais non. Moi, j'avais pas rendu penser, donc j'en ai un paquet qui rattrapera le deuxième. Moi, j'y mets pas autant quand même. Non, après, nous, Pâques, dans notre famille, du côté de chez ma mère, on a des cadeaux. Donc, c'est bien, t'as eu quoi ? Des pantalons et des vêtements. C'est bien. Mais après, du côté de mon père, ils savent que je n'aime pas trop le chocolat. Je vais peut-être me faire des ennemis. Moi. Mais du coup, j'ai eu des saucissons qui étaient un peu mieux que des chocolats. J'avoue, c'est pas mal. C'est pas mal. Donc. Ah, ça relève le chocolat. Oui, mais bon, non, quand même. Ah. Les deux sont très bons, mais quand même, non. Toi, t'as tout mangé, dis là, je suis sûr. Non. Et en tout cas, c'était ce week-end, Pâques. Et dans nos week-ends, qu'est-ce que c'est, Lucie ? C'est le bal. Oui, c'est le bal, exactement. Le bal de Georges Ferreira, qui passe du coup le 13 avril de 21h jusqu'à tard le matin. Tôt le matin. Ah, tôt, beaucoup trop tôt. On va danser, Lucie ? Oui. Donc n'hésitez pas à réserver vos places. Les billetteries sont toujours ouvertes. Donc en pré-vente à 15€ et sur place à 20€. Donc il y aura Georges Ferreira et ses musiciens et José Balthazar qui nous animera le début de soirée et la fin de soirée pour toujours s'ambiancer et danser. Mais moi je suis pressée hein. Et on vous prépare des petites surprises. Oui. Lucie elle a préparé des petites surprises pour vous. Vous verrez. On continue en musique. On continue en musique Lucie. Bon avec plaisir hein. Tu veux écouter une musique comment? Bah, ce qui passe. Ce qui passe, ok. Bah, on va écouter la prochaine musique après Sous de North. On va écouter Flicotte des Adriana Loi. Tu connais ? Pas du tout. Et bah, tu vas connaître. Parfait. Sou do norte, tenho um carinho. Sou do norte, sou. chegar. Quando passa na baixa do tubo, o negão começa a gritar. Olha a nega do cabelo duro, que não gosta de pentear. Quando passa na baixa do tubo, o negão começa a gritar. Pega ela aí, pega ela. Na bucheira, pega ela aí, pega ela aí. Pra quê? Pra passar batom. Que cor? Cor azul. Na boca e na porta do céu. Olha a nega do cabelo duro, que não gosta de pentear. Quando passa na baixa do tubo, o negão começa a gritar. Olha a nega do cabelo duro, que não gosta de pentear. Quando passa na baixa do tubo, o negão começa a gritar. Pega ela aí, pega ela aí. Pra quê? Que cor? Violeta, na boca e na bucheira. Pega ela aí, pega ela aí. Pra quê? Pra passar batom. Que cor? Cor azul, na boca e na porta do céu. Pega ela aí, pega ela aí. Qui fait une dédicace pour, en choisissant la chanson Céline de Hugo Frey pour sa fille chérie Céline. Dis-moi Céline, les années ont passé, pourquoi n'as-tu jamais pensé à te marier? De toutes mes sœurs qui vivaient ici, tu es la seule sans mari. Non, non, non, non, non. longtemps que je le savais, et je ne l'oublierai jamais. Ne pleure pas, ne pleure pas. Tu as toujours les yeux d'autrefois. Ne pleure pas, ne pleure pas. Nous resterons toujours près de toi. Merci beaucoup à Martine d'avoir choisi cette musique. Il nous a fait une petite dédicace à sa fille chérie. Du coup, n'hésitez pas à faire comme elle, à nous appeler au numéro de la radio que vous connaissez par cœur maintenant, que Lucie va bientôt connaître par cœur, au 02 38 43 48 00. On continue en musique avec Mayores de Becky G et Bad Bunny. When my lips sing. Ce top 3 sera sur l'artiste qui vient très prochainement. Qui est Lucie, l'artiste qui vient très prochainement? Je sais pas trop le dire, oui. Georges Ferreira. Tu l'as très bien dit, tu l'as très très bien dit. Lucie est un peu anglaise, donc elle a l'accent anglais. Tu vas nous dire tous les titres en anglais bientôt maintenant. Ok, bon, ça va, c'est pas en portugais, donc ça va alors. Ça va, donc notre chronique commence bientôt sur l'artiste qui vient... samedi 13 avril. Lo que pasó me ha dejado en vela. Ya no puedo ni pensar. La sangre le hierve. Siempre quiere más. Puñaladita. Hasta su ambición en el pecho afilada. Es lo peor. Es mal amante la fama y no va a quererme de verdad. Es demasiado traicionera y como ella viene se me va. Yo sé que será celosa, yo nunca le confiaré. Si quiero duermo con ella, pero nunca me la voy a casar. No hay manera de que esta obsesión se me fuera y ya desaparezca. Yo aún no aprendí la manera. No hay manera que desaparezca. Mas fica a desejar. Quero teu amor, estou louco. nasce un guasto, poi tutto in fretta, poter contigo prego al fondo amor a stretta, io seguo a ti, chegou a hora, todo a tremer, mas vai ter que ser agora, un passo a frente, non vou falhar. Top 3 de Georges Ferreira avec la musique Otro Caro de Amor. Oh, amor. Et pour notre musique du la deuxième musique de ce top 3, dont vous allez écouter une musique que tout le monde, mais je dis bien que tout le monde, je pense, qui connaît. Et Lucie, je crois que tu la connais aussi. Je te l'ai déjà fait écouter en soirée. Donc on va voir si tu écoutes. Si tu as bien écouté cette musique pendant que je l'ai passée. On écoute Ars Beteu. Vão pra igreja dormir na hora da devoção. Quantas piadas andam pra aí, falam de mim e falam de ti. Enchem o saco de mal dizer, toca avançar e torna a encher. Chocalheira, e eu fiquei sem defensor. Ficaste por chocalheira, e eu fiquei sem defensor. Quantas piadas andam para aí, falam de mim e falam de ti. Enchem o saco de mal dizer, toca a vazar e torna a encher. Pisam alcatrão, são como a mosca na serra, nunca nos largam da mão. São como a mosca na serra, nunca nos largam da mão. Quantas piadas andam para aí, falam de mim e falam de ti. Enchem o saco de mal dizer, toca a passar e torna a encher. Quantas piadas andam para aí, falam de mim e falam de ti. Enchem o saco de mal dizer, toca a passar e torna a encher. Quantas piadas andam para aí, falam de mim e falam de ti. Enchem o saco de mal dizer. Carro preto, essa tua cor maldita, ao ver-te minha alma grita, és tu quem me vai matar. Et voici notre dernière musique de ce top 3 de Georges Ferreira, Carlo Preto, comme il vient de le dire Lucie. Meu Deus do céu, liga que isto é mentira. Se for verdade, voici notre top 3 qui vient de se terminer sur l'artiste Georges Ferreira, qu'on retrouvera le 13 avril à la salle Montisson. Donc maintenant, tu es prête, Lucie, pour le 13? Ah bah là, je suis prête, je suis dans... Tu es prête, tu es prête. Je suis prête, là. Il va interpréter six musiques. Donc, Lucie sera sur le dance floor samedi 13 avril, si vous voulez la voir, à 21h30, en train de danser. Tu vas nous montrer tes talents de danse. Bah, il n'y en a pas beaucoup, hein. On continue en musique avec une musique de Rebecca, Polta to Ben Ravas. Je ne l'ai pas très bien dit du tout, mais on va faire voir que je l'ai bien dit. Avec une dédicace de Fatima qui dédie cette musique à ses filles, Karine et Aurélie, et à ses petits-enfants, moi, Mathis et Alexandre. Elle nous aime très fort et elle nous fait de très gros bisous. Et nous, on lui fait aussi de très gros bisous et on lui dit je t'aime. Et pour cela, on va écouter Emmène-moi de Kalima. Nenhum de nós quer perder e ninguém quer ficar só. This month, this month, ninguém. Oh, faz com mim, this summer. Se fica mana contigo, que me gelena de tão. Liberte, legal, um paixão. Estou vejo lá de hoje, mas. Se de mais, toma na mão. Oh, meu irmão, meu irmão, vou me irar. Bali, bali, olhe. Je suis bien que je suis avec toi. Emmène-moi, non importe où on me vache. Mais on a envie de te voir. Je quiero estar auprès de ti. Si je fraude, que Dieu pardonne mes fautes. Je ne suis que toi les brodes. J'ai la tête parfois à l'envers. Des erreurs, oui, j'ai dû en faire. Je suis l'élève ambitieux. corações de luz, tema flam, montes a, meu amor, minha paz, quero comer, volte minha vida. Dança, dança, mais beijo, estou de lado de mãos, familiar, amor, meu amor. Quero estar ao pé de ti, amém. Merci Fatima pour sa dédicace et on lui fait des bisous. On continue avec une musique que Lucie tu connais, Le Temps d'Ike. Oh, le temps m'a réparé. Plus rien n'est comme avant. Quelqu'un m'a déjà soigné. Oh, oh, le vent a bien tourné. Ne gaspille pas mon temps. Une autre a su me soigner. Hey. Pour la petite disparaît sans laisser un mot. T'as préféré fuir comme un enfant. Partir sans te retourner. Je te prêtais mon cœur et tu lui as donné ton dos. Toi, tu m'as fait gaspiller mon temps. Et maintenant, tu reviens, et comme avant, tu espères retrouver celui qui t'a aimé, celui avec qui t'as joué. Et maintenant, c'est toi qui veux parler, et toutes tes meilleures phrases, tu veux les coller. Ne gaspille pas mon temps, yeah. Oh, le temps m'a réparé. Ce qu'il faut. Moi je t'ai fait passer avant tout. J'en ai perdu la raison. Sans aucun remords, quoi t'as tout jeté à l'eau. J'étais devenu accro à ton goût. Le goût de ton poison. Hey, yeah. Et maintenant, moi ça va. Avec toi, j'avais comme l'impression de devoir supplier pour quelque chose que tu me dois, non. Et maintenant, toi tu veux enfin m'entendre. On s'est arrêté, tu veux reprendre. Ne gaspille pas mon temps. Le temps m'a réparé. Quiero decir. deuxième prochaine musique, Magia de GNTK. Yeah. Oh, gratidão, oh, mano. Yeah, yeah, yeah. Só quero viver em paz com minha fé, longe de coisas más. Eu vou ser feliz hoje, pois ainda não sei o que o amanhã traz. Porque a vida tem magia, magia, magia. Porque a vida tem magia, magia, magia. Vou acordar pela manhã, tomar o meu café e espreitar pela varanda. Quero ser alguém na vida, por isso já estou em pé. E quem luta sempre alcança. A casa numa desarrumação é para levantar os putos, quase que foi a reboque. Ontem não passeei o cão e hoje foi por um triz que eu não pisei a sorte. Mas é assim que eu sou feliz, sou feliz, sou feliz. Não quero saber de rumores, nem de conspiradores, nem do mal que o mundo. É assim que eu sou feliz, sou feliz, sou feliz. Não quero saber de rumores, nem de conspiradores, nem do mal que o mundo diz. Só quero viver em paz com a minha fé, longe de coisas más. Eu vou ser feliz hoje, pois ainda não sei o que o amanhã traz. Porque a vida tem mais. Cidades e nos morros, está no mar e está no rio. E como um bom degustador, saboreio com amor dessa magia e sorrio. Está no abraço de um amigo, ou em certas verdades que eu não digo. Está no conselho de um pai, no colo de uma mãe, está no sorriso de um filho. Está no conselho de um pai, no colo de uma mãe, está no sorriso de um filho. Mas é assim que eu sou feliz, sou feliz, sou feliz. Não quero saber de rumores, nem de conspiradores, nem do mal que o mundo diz. Mas é assim que eu sou feliz, sou feliz, sou feliz. Não quero saber de rumores, nem de conspiradores, nem do mal que o mundo diz. Só quero viver em paz fé, longe de coisas más. Eu vou ser feliz hoje, pois ainda não sei o que o amanhã traz. Porque a vida tem magia, magia, magia. Porque a vida tem magia, magia, magia. Magia, magia, magia. Eu fico logo perdido a sonhar. Adoro quando me tocas, bailas sem parar. Eu fico louco e digo, vem me amar. Olá pessoal, daqui Jorge Ferreira informando que estarei com a minha banda em Orléans, França, para um grande espetáculo organizado pela Rádio Arc-en-Ciel no dia 13 de abril de 2024. Os bilhetes encontram-se à venda na Rádio Arc-en-Ciel e nos locais habituais. Até o dia 13 de abril e um forte abraço a todos. Samedi 13 avril 2024, soirée exclusive avec l'artiste Jorge Freire. Radio Arc-en-Ciel vous propose un concert exceptionnel avec l'artiste Jorge Freire et tous ses musiciens. Le samedi 13 avril à l'espace Montition à Saint-Jean-Blanc. Qui ne connaît pas les chansons emblématiques de cet artiste qui a su séduire plusieurs générations de Portugais? Alors écoutez et appréciez ces quelques extraits. Este nosso tirolino, gosto muito desta nossa brincadeira. Tirolino, gosto dele, deve a brincadeira que acabamos de colar com a madeira. Rendez-vous le 13 avril prochain à l'espace Montition à Saint-Jean-Blanc pour découvrir Jorge Freire et ses musiciens. La soirée sera animée par José Baltazar. La billetterie est déjà ouverte. 15 euros en pré-vente, 20 euros sur place. Pour profiter de cette pré-vente, rendez-vous au point de vente suivant. Assado Typico à Fleury-les-Aubrais. Le site de Radio Arc-en-Ciel, www.radio-arc-en-ciel.com. Le restaurant Tamariche à Fleury-les-Aubrais. Les établissements Mariano à Semois et à Blois. Ou Grillo à Saint-Privé-Saint-Mémin. Quintino de Nossa Terra à Orléans-la-Source. Les Paniers du Monde à Fleury-les-Aubrais. Et directement au studio de Radio Arc-en-Ciel, 266 Faubourg Bannier à Orléans. Rendez-vous le 13 avril prochain, espace Montition à Saint-Jean-Blanc, pour un moment unique et rare. Ne manquez pas ce concert live avec Jorge Freire et tous ses musiciens. Ouverture des portes à 20h avec un service snacking de spécialité portugaise. Compte sur vous. Une organisation Radio Arc-en-Ciel. Cabecinha, agora na cinturinha. Põe a mão lá na perninha. veia mais. Quero ouvir toda a gente a cantar essa moda que eu inventei. O swing, o folclore, até o forró eu juntei. Dança, dança, minha gente, dança, dança, quero ver. Quem está triste fica contente, quem não sabe vai aprender. Põe a mão na cabecinha, agora na cinturinha. Põe a mão lá na perninha, vai acima, vai abaixo, vai acima, vai abaixo. Põe a mão na cabecinha, agora na cinturinha. Põe a mão lá na perninha, vai acima, vai abaixo, vai acima, vai abaixo. Quero ouvir toda a gente a cantar, quero ouvir toda a gente a dançar, quero ouvir agora bem alto este grito que eu vou dar. Eu, ¡Gracias! texte. On a toujours un bon prétexte pour tomber nos footers de loup. Quand toi et moi on fait boum boum boum, quand t'es pas là je fais n'importe quoi. Je prends les kilos des tequila, je chante les chansons d'un caleçon. Je ne pense qu'à nos boum boum boum. Et tous les bourgeois du 16e se demandent pourquoi je t'aime. Pour le voir pas besoin d'un zoom. Quand toi et moi on fait boum boum boum, boum, boum. Par terre, en entendant le dressing room. Quand toi et moi, on faisait boum boum boum. Dans des ascenseurs des hôtels, on s'est monté au 7e ciel. On en voit balader les brumes. Quand toi et moi, on fait boum boum boum. Et tous les bourgeois du 16e se demandent pourquoi je t'aime. Pour le voir, pas besoin d'un zoom. Quand toi et moi, on fait boum boum boum. Soit nous invités, on ne sait même pas résister. Entre deux thés et deux coups, il y a le temps de faire boum boum boum. C'est vrai que les murs ont des oreilles, que tous les voisins se réveillent. Mais c'est comme ça qu'on fait l'amour. Quand toi et moi on fait boum boum boum. Et tous les bourgeois du 16e se demandent pourquoi je t'aime. Pour le moment, pas besoin d'un zoom. Quand toi et moi on fait boum boum boum. C'est bien comme ça, c'est pas ça fait boum boum boum. Pas la peine d'aller cavaler. Y'a plus ça qui me fait voyager. Pas des cocos chez de Toulon. Toi et moi, on fait boum boum boum. Et tous les bourgeois du 16e se demandent pourquoi je t'aime. Pour ne pas pas besoin d'un son. Quand toi et moi, on fait boum boum boum. Mais comme ça, c'est pas. Boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom la chronique de Lucie qui arrive très prochainement. Et oui, si tu es prête, il est 17h21. Donc Lucie va se préparer pour vous préparer la petite chronique sur les films et séries. Et on écoute en attendant Dua Lipa. Tudo pra mim. levar. Tudo para nos salvar. Nascendo no sol, mesmo estando perto de ti. Os meus dias passam por passar e as noites deixam de embalar. Deixa-me seguir em paz. Tenho que me encontrar para ser por mim. Não quero força mais, não dá. Eu tento, mas não sou. Para me aguentar, eu sou livre, mas vamos ficar por aqui. É melhor assim. Deixa-me seguir em paz. Tenho que me encontrar. Quero ser pode dançar lagadinho, lagadinho, lagadinho. Vai no se prepare pra subir. Em cima, balança daí que eu balanço daqui. A dança é essa, a dança é boa. Entre na onda, não fique à toa. Ajude, filha, na nave boa. Tá tocando esse sucesso. Se espalhou na cidade, a galera todinha já sabe. Dançar o lagadinho. Se você quiser, pode dançar o lagadinho. Lagadinho, vai no balanço do vento, dançando gostoso. Lagadinho, se você quiser, pode dançar o lagadinho. Dançando bonitinho, lagadinho. Ai, se você quiser, pode dançar. Venha dançar, venha dançar, venha dançar o lagadinho. Venha dançar, venha dançar o lagadinho. Se você quiser, pode dançar. Pode dançar, pode dançar. Venha, venha dançar o lagadinho. Venha, venha, venha, venha dançar o lagadinho. Et enfin, la prochaine musique, Homeless de Marina Kaye. Sur cette chronique, je vais donc vous présenter deux séries tendances. Alors, on va commencer avec une première série qui est une série de science-fiction et c'est donc Le Problème à trois corps. C'est une série sortie le 21 mars 2024 avec une saison et 8 épisodes, ce qui est pas mal. Ce qui est pas mal. Pas trop long, mais juste bien. Donc, je vais vous faire un petit résumé. Alors, c'est une décision prise dans la Chine des années 60, se répercute par-delà l'espace et le temps. Les scientifiques du présent doivent alors affronter la pire menace de l'humanité. Honnêtement, je l'ai regardée, elle est pas mal du tout. Elle est plus mal conseillée du coup. Ensuite, on va parler d'une série sur la romance qui est Un jour. Sortie le 8 février 2024 avec 14 épisodes aussi. Donc ça va, c'est pas ce qui peut faire un très bon visionnage. Oui, alors pour le résumé, j'ai choisi Emma et Dexter passent la nuit ensemble après leur soirée de fin d'études et décident de rester amis. Lui est insouciant et elle est bourrée de complexes. Pendant 20 ans, Dexter et Emma vont s'adorer, se séparer, se détester et se manquer. Bon, je vais pas vous mentir, sur cette série, j'ai pleuré. La petite... Oula, la sensibilité de Lucie. Et honnêtement, de base, je suis pas sensible, mais pas du tout. Je pleure jamais devant les films, mais là, j'ai pleuré. Et c'est le caractère des lions, ça. J'avais honte, mais c'est pas possible. Mais c'était un beau film que tu nous conseilles, du coup. Oui, du coup, je vous conseille vraiment, les deux séries, elles sont super. C'est des séries qui sont... Les titres Je vous le redis, Le problème à trois corps et Un jour. À noter dans vos répertoires pour regarder ces séries. Ah oui, elles sont bien, vraiment. Donc, merci Lucie pour cette première chronique, qui a été ta première du coup. Oui, la première. Tu nous parleras, là aujourd'hui tu nous as parlé de deux séries. Oui, c'est exact. Les prochaines fois tu pourras nous parler de films, oui. Le top 3 des films de la France, ou qui est regardé dans le monde, ou des séries, etc. Mais merci, en tout cas on a deux séries à aller regarder, donc n'hésitez pas, tout de suite. Et ne pleurez pas comme Lucie. Donc, on la retrouve tes prochaines chroniques la prochaine fois. C'est exact. Donc on continue en musique avec Zara Larsson, All My Love. Musique, c'est Matimba de Claudia Leitte. O que vai te tirar de frente da televisão? Te desconectar do celular nesse verão? O que gruda na cabeça, na cintura e no coração? Essa zorra sacode a pista, todo mundo vai no chão. De cudura e guitarrada. É gostoso, feito samba, bate pé. Balance a anta, dobra o joelho. Parte uma timba mané. É uma mistura de cudura e guitarrada. É gostoso, feito samba, bate pé. Balance a anta, dobra o joelho. Parte uma timba mané. Que o que? Eu vou contar. Atenção. Vai te tirar de frente da televisão, te desconectar do celular nesse verão. O que gruda na cabeça, na cintura e no coração? Essa dor sacode a pista, todo mundo vai no chão. Todo mundo vai no chão. É uma mistura de gordura e guitarrada. É gostoso, feito zumba, bate pé. Balança, limpa, dobra o joelho. Parte uma timba, mantém. É uma mistura de gordura e guitarrada. É gostoso, feito zumba, bate pé. Balança, limpa, dobra o joelho. Parte uma timba, mantém. Que o que o que? Un peu parler ici. Alors, très prochainement, il y a des événements qui vont se passer de la radio, donc comme le bal, comme la Saint-Jean qui arrive très prochainement. Et es-tu au courant des artistes qu'il y avait dans l'ancienne Saint-Jean, la dernière Saint-Jean? Bah alors pas du tout. Ah ouais, on connaît pas. On connaît pas. Et ben la prochaine musique est un groupe qui vient souvent. À la Saint-Jean, la dernière est venue, les années d'avant aussi sont venues à des balles, et on écoute Capanegra et on écoute To You de Marilyn et Katia. T'es prête? Je suis prête. Franchement, c'est pas mal, c'est pas ce que j'écoute, mais j'aime bien. Et ben, on va écouter souvent vu que tu vas être avec moi tous les mercredis. Et ben, moi j'ai quelque chose à te faire écouter, c'est une chanson anglaise, c'est Beautiful Things de Benson Boone. Et ben, on va écouter. Parfait. And I see my family every month. I found a girl my parents love. She'll come and stay the night, and I think I might have it all. And I thank God every day for the girl he sent my way. But I know the things he gives, he can take away. And I hold you every night. There's no man as terrified as the man who stands to lose you. Oh, I hope I don't lose you. Please stay. I want you, I need you, oh God. My mind, I'm seeing insane. It's been a while, but I'm finding my faith. If everything's good and it's great, why do I sit and wait till it's gone? Oh, I tell you, I know I've got enough. Oh God, I need these beautiful things that I've got. Sou portuguesa, sou sim senhor. Eh ben, c'était une très très belle musique, Lucie. Merci. Tu nous as fait. Je la connaissais un tout petit peu grâce à TikTok quand même. Mais merci. On écoute une musique portugaise que tu connais peut-être, sous portugaise de Joanne d'Arc. Avec La Gozadera, notre musique où on se quitte tout le temps. Une musique mais au moins avec une bonne ambiance. Bonne ambiance. Hein, je voyais Lucie au loin danser un peu. Non, là. Non, c'est toi qui dansais, Mathis. Non, pas du tout. On se quitte et on se rejoint mercredi prochain. Oui. Mercredi prochain. Le dernier mercredi avant notre bal du 13 avril qu'on attendait. Avec impatience, car on a hâte de tous vous voir et de s'amuser et de vous préparer des petites surprises. Et en parlant de surprises, oui, exactement, danser en portugais. En parlant de surprises, la semaine prochaine, nous avons une invitée. Une invitée qui est une déléguée qui viendra avec nous pour nous parler de Parcoursup du moment. qui on est en plein parcoursup. Malheureusement, avec un peu de pression et tout. Les études, les notes, la pression scolaire qu'on a un peu, mais aussi les avantages. Donc, comment se passe nous, par exemple, nous sommes en filière STMG, mais nous allons parler de toutes les filières qui sont proposées, et de plus tard, des BTS, des alternances et des BUT. Donc, ça sera une émission assez spéciale, car on reçoit une invitée qu'on va un peu interviewer, on va dire, poser des questions, avoir des réponses. Donc, c'est une déléguée d'une lycée qui vient avec joie nous répondre à nos questions et parler de la vie de lycéen et de collégien un peu aussi, parce qu'elle est passée par là. Tout en stress. Donc voilà. Heureusement pour ces années. Mais... On va encore, parce que le Parcoursup, si vous ne savez pas, vient de. Il va clôturer nos vœux dans quelques heures. Aujourd'hui. Donc on est un peu sous pression quand même. Mais voilà. Donc on se dit à la semaine prochaine, dans la joie et dans la bonne humeur. Nous serons, moi et Lucie, présents. Lola, si elle ira mieux, elle sera présente aussi. Donc on se dit à mercredi prochain. On vous fait des bisous. Et ciao, ciao. Sur de nombreux articles signalés en magasin. De délicieuses spécialités portugaises à des prix qui défient toute concurrence. Un espace épicerie, surgelé, une cave, bref, tout un choix de produits pour nous régaler. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Sachez apprécier et consommer avec modération. Établissement Marionneau, 1 rue de l'Orme Gâteau, à Sémois. Téléphone 02 38 22 12 22. Samedi 13 avril 2024, soirée exclusive avec l'artiste Georges Freyre. Radio Arc-en-Ciel vous propose un concert exceptionnel avec l'artiste Georges Freyre et tous ses musiciens. Le samedi 13 avril à l'espace Montition à Saint-Jean-Blanc. Qui ne connaît pas les chansons emblématiques de cet artiste qui a su séduire plusieurs générations de Portugais? Alors écoutez et appréciez ces quelques extraits. Este nosso tiro-lino, gosto muito desta nossa brincadeira. Tiro-lino, gosto dele, deve a brincadeira que o cavaco fica lá com a madeira. Rendez-vous le 13 avril prochain à l'espace Montition à Saint-Jean-Blanc pour découvrir Georges Freyre et ses musiciens. La soirée sera animée par José Baltazar. La billetterie est déjà ouverte. 15 euros en pré-vente, 20 euros sur place. Pour profiter de cette pré-vente, rendez-vous au point de vente suivant. Assado Typico à Fleury-les-Aubrais. Le site de Radio Arc-en-Ciel, www.radio-arc-en-ciel.com. Le restaurant Tamarich à Fleury-les-Aubrais. Les établissements Mariano à Semois et à Blois. Ou Grillo à Saint-Privé-Saint-Mémin. Quintinho del Nossa Terra à Orléans-la-Source. Les Paniers du Monde à Fleury-les-Aubrais. Et directement au studio de Radio Arc-en-Ciel, 266 Faubourg Bagnier à Orléans. Rendez-vous le 13 avril prochain, espace Montition à Saint-Jean-Blanc, pour un moment unique et rare. Ne manquez pas ce concert live avec Georges Freyre et tous ses musiciens. Ouverture des portes à 20h, avec un service snacking de spécialité portugaise. Compte sur vous. Une organisation Radio Arc-en-Ciel. tem sido positivo, tem dado frutos ou não. Mas acho que é sempre positivo voltar a reunir, voltar a consensualizar medidas, especialmente com quem são os operadores judiciários, com quem trabalha no setor da justiça e em especial com o Ministério Público enquanto titular da ação penal. Parece-me que é sempre um sinal positivo a repensar as medidas, analisar aquelas que estão em vigor, verificar que outras medidas é que é necessário tomar para tornar mais efetivo esse combate à corrupção. Especialmente quando se fala em consensualizar medidas. Que não tinha acontecido no, na anterior estratégia. Pelo menos da parte do sindicato dos magistrados do Ministério Público, não. Ouvido pela jornalista Joana Carvalho Reis, Paulo Lona, do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, diz que há disponibilidade, espera ser chamado pela Ministra da Justiça e lês desde já uma prioridade no combate à corrupção. Dotar o Ministério Público dos meios humanos, materiais, tecnológicos para esse combate. Portanto, o Ministério Público, enquanto titular da ação penal, tem que dispor de meios, especialmente humanos suficientes, magistrados suficientes, para que se possa especializar nesta área. Estamos a falar de uma área muito específica e cada vez mais a investigação da criminalidade económico-financeira complexa impõe a criação de equipas especiais que juntam magistrados, polícias, técnicos, pessoas que, por força da prática, se especializaram na investigação destas determinadas matérias, como branqueamento de capitais, a recuperação de ativos, análise de prova em ambiente digital. Estas equipas especiais, que me parece que são o futuro neste tipo de investigação, são consumidoras de recursos humanos e materiais, e estamos numa altura de grande escassez destes. É fundamental reforçar os meios de investigação para um combate eficaz. Será uma das medidas que o presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público vai transmitir-se à Ministra da Justiça. Sobre o desafio lançado pelo Primeiro-Ministro para um consenso em torno do combate à corrupção, Fabián Figueiredo, do Bloco de Esquerda, diz que o Bloco está confortável e disponível para responder a esse diálogo, dando como exemplo o enriquecimento ilícito. É preciso, uma vez por todas, avançarmos com o crime de enriquecimento injustificado. Estamos muito disponíveis para o revisitar e encontrar uma solução que seja constitucional. Quem enriquece de forma injustificada deve responder por isso. Nós sempre estivemos disponíveis para esse debate, nunca fugimos dele, muito pelo contrário, temos um longo património em torno desse instituto. E terceiro, é preciso garantir, uma vez por todas, que a entidade da transparência